partir, tu nous as laissé. Nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent, durent, durent, durent, durent, durent trop de temps. Famille, oh yeah. Toi tu étais comme l'ombrage d'un arbre et tu nous couvrais. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? La colombe ne dure pas longtemps, mais les corbeaux durent, durent. Dans la famille ou l'église, ce qui nous font du bien ne dure jamais, jamais, jamais, jamais. Pourquoi c'est ainsi? Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? Na luyembo obo uti kulanda ete tu es parti ndenge na kuyemba kuna ke korbo au melaka mingi na tanga ki na buku ya bayi mayele ba toa science balobi ke korbo au melaka sala 400 ans de vie sur terre mais colomba au melaka te donc bato ba sala ka bula mu mingi ba au melaka te za mituna za kutuna panza pona nika bato malamu bangu bakenda kanoki. Mais bato bazo kwa misabiso ko nyokola biso bangonde batikalaka donc di bonde nangai eza surtout beaucoup plus kotala bato ya malamu bazo kende avant o ya mabe bazo tikala peut-être ba question na nyoso yo pe peut-être na famille ou bien église moko yo lingaka mingi ya kenda pe atikayo eza wa Yesu Kristo nzambe na biso makufi trop jeune mais satan na banda jardin de dentile lazo nyokola biso mena ndimete Yesu na pesa na bomoi. Et ma question na biso nyoso consolation na ezala ete ata oya malamu akufi mais Yesu Kristo za na bomoi kola pambola bino.